On va parler de course de motoneige. Il y a un gars de Saint-Jean-d'Arc qui fait carrière aux États-Unis, qu'on n'a pas parlé beaucoup par les années passées, mais cette année, je me suis donné comme mission de parler un peu plus de lui. C'est Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc. Et question de savoir un peu comment ça va sa saison. On le rejoint au Minnesota. Salut Tim! Salut. Tim, t'as déjà une compétition de fait. Comment ça a été? Moi, ouais, ça a très bien été là, notre première journée de course là. J'ai terminé deuxième là à quelques même pas une seconde de la première position. Donc, ça a quand même très bien été là pour le premier week-end de course. Hein. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui suit la compétition? C'est d'accord, Isoc Racing, ça s'appelle, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est Isoc Racing ou ça s'appelle snowcross.com. OK. Maintenant, mais oui, il y a beaucoup de monde qui suit ça. Tu peux les écouter live directement sur Internet. Puis à tous les week-ends, il y a quand même pas mal de personnes. Le premier week-end, il y avait entre 20 et 25 000 personnes, je pense, là, pour tout Oh. le week-end. Ça fait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. OK. Quelle sorte d'équipe que tu as? Est-ce que c'est une équipe à cette année, deuxième place? Donc j'imagine qu'on pense quand même bien faire cette année. Ouais, ça fait 2 ans, 2 années de fil que je termine deuxième. Donc cette année, j'aimerais ça là, terminer une position de mieux, là, c'est certain, là, pour gagner ce championnat-là. OK. Si on parlait un peu, mais est-ce que c'est un petit peu comme la course automobile, les équipes, ça dépend des budgets, ça dépend des commanditaires. L'équipe qui a plus de budget, c'est l'équipe normalement qui va compétitionner le plus. Comment ça fonctionne en fait? Est-ce que c'est un petit peu le même principe qu'en course automobile? Je te dirais que oui, mais je te dirais que le pilote fait peut-être plus une différence là en OK. motoneige qu'à comparer qu'en automobile. Mais c'est un peu la même affaire là. C'est sûr que ceux-là qui ont plus de budget puis plus de temps de préparation de la machine puis tout ça, ils peuvent avoir des meilleures chances de gagner là. Mais c'est toujours la machine et le pilote là qui vont faire la différence. Mais c'est certain que les machines font une bonne différence aussi. C'est une machine. Les vitesses, comment ça va? Ça roule-tu pas mal ou? Les Non, pas tant que ça. Le plus vite qu'on a déjà été sur une piste, c'est peut-être 90-100 km, mais c'est des circuits assez accidentés, là, je dirais, OK. des trous là, de 6 à 10 pieds de haut. Fait que c'est assez dur d'aller vite là, quand que la piste est organisée comme ça, là. Donc, ça demande des réglages, j'imagine un peu comme une course, comme une automobile de course. C'est un petit peu les mêmes principes de ce côté-là, là. Oui, à chaque fin de semaine, là, on va améliorer nos suspensions pour les conditions qu'il y a, s'il fait froid ou s'il fait chaud. Fait que la neige appelle plus en selle ou plus mouillée quand il fait chaud. Puis on ajuste les carburateurs, après ça les clutches, le guidage. Il y a beaucoup de settings qu'on peut faire durant les week-ends qu'il faut qu'on se parle entre pilote et équipe. Donc, c'est certain que c'est une bataille aussi à s'adapter le mieux possible pour les conditions de la fin de semaine. OK. Toi, tu passes l'hiver au Minnesota? En partie, oui, mais je voyage, je retourne à la maison là, à Drummondville là, une couple de fois par hiver, puis OK. j'essaie de ne pas passer plus que 2, 3 semaines, puis retourner à la maison, voir ma famille, puis me changer les idées un peu, mais c'est avant Noël, là, je passe plus de temps au Minnesota, puis après Noël, on est plus sur la route, donc je reviens un petit peu plus souvent à la maison. OK. Est-ce que c'est un. Le fait, je regardais le calendrier du circuit, c'est quand même. Je pense qu'il y a quoi, 7-8 courses dans l'année, je pense. Ouais, on C'est. a 8 fins de semaine de Ouais. course dans notre championnat, plus Valcourt, plus l'X Games. Ah, OK. Ah, t'étais où? Est-ce que tu vas être au X Games cette année? Ouais, j'ai déjà été invité. Là, je vais participer aux Jeux d'hiver 2017. OK. Est-ce que ça, c'est vraiment c'est prestigieux, parce que on voit ça passer beaucoup à RDS ou à ESPN et ainsi de suite. Les X Games, est-ce que chaque pilote espère aller à ces compétitions-là? J'imagine que oui, hein? Ouais, je te dirais que c'est quand même une compétition assez pas mal publicisée là, parce qu'il y a pas mal Ben oui, on les voit sur la de TV. monde qui écoute ça pareil, les X Games. Fait que c'est toujours le fun de faire partie de ces compétitions-là, puis d'être dans les meilleurs au monde pour pouvoir participer à cette compétition-là. Donc, pour les commanditaires, ça doit être plus facile aussi. Ouais, pour les commanditaires, ils ont plus d'affiches, puis certain que c'est beaucoup de tracas là, pour aller courser là-bas parce que c'est quand même loin. Puis tester, c'est en haute altitude. Donc, c'est un petit peu compliqué pour juste courser une journée, là. Mais c'est certain que si tu réussis à gagner une médaille, là, c'est, pour les commanditaires, tout ça, c'est quand même bon. Ça va-tu être ta première compétition X Games? Non, je cours sur le game depuis. J'ai dû au moins en faire 5-6, d'après moi, dans les games, certainement. Ok. Donc, puis généralement, c'est-tu un peu pour les toutes proportions gardées, un peu pour le même prestige pour un athlète, un coureur participant aux X Games qu'un athlète participant aux Olympiques, c'est pas la même affaire? Toute proportion gardée, là? Ouais, je dirais que c'est pas mal. Ça ressemble un peu. C'est sûr, nous autres, c'est à chaque année, là, c'est pas tous les Ouais. 4 ans. Mais c'est quand même une compétition en haute envergure, mais ça ressemble un peu à nos courses qu'on fait durant l'hiver. C'est juste que il y a plus de télévision puis de médias puis tout ça là, qui entoure là, cette course-là, là. OK. Tim, évidemment, t'es très peu. On parle pas beaucoup de toi dans le secteur. Est-ce que c'est quand même difficile de trouver des commanditaires? Parce que j'imagine que c'est le même. C'est un petit peu le même nerf de la guerre dans la course de motoneige que c'est dans la course automobile. Est-ce que c'est un peu le même. Ça doit être assez difficile, hein? Ça dépend. Pour moi, ça va quand même bien, là. Je dirais que je suis plus connu aux États-Unis que quasiment Ben oui. au Québec ces années-ci, là, parce que toutes les années que j'ai faites aux États, là, à gagner des championnats et tout ça. Mais pour moi, tu sais, je suis quand même un des meilleurs en snowcross sur la planète. Donc, pour me trouver un contrat puis des commanditaires, c'est quand même plus facile parce que j'ai les résultats pour me backer. Puis à chaque année, je suis pas mal le meilleur pilote chez Skidoo. Depuis pas mal d'années, c'est pas mal ça, je suis pas mal le meilleur pilote chez Skidoo là, pour les résultats du championnat. Donc, pour moi, je suis quand même assez chanceux d'avoir dans le fond, des équipes, des commanditaires qui me supportent là, quand même assez facilement tant que les résultats sont là, là. OK. Tant que les résultats seront plus là, d'après moi, là, c'est là que c'est plus dur de trouver Ben oui. des commanditaires et des équipes là, pour courser pour eux autres, là. Mais ça va encore bien. Fais-tu encore du motocross l'été? Oui, c'est encore du motocross. L'année passée, j'ai coursé, écoute, 8 courses. J'ai OK. fait des arènes de cross au Québec, provincial au Québec. J'ai gagné un championnat provincial, Challenge Québec, les 2 classes en pro. Puis j'ai Oh. fait 3 nationales canadiens, 2 top 5. Après ça, j'ai fait 1 national aux US. J'ai fait pas mal de courses l'année passée, oui. Est-ce que l'un des sports vient aider l'autre? Je m'explique. Est-ce que le fait que tu es un coureur de motocross t'aide en snowcross et est-ce que le snowcross t'aide en motocross? Pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je pense que les deux, ils se complètent. C'est vraiment 2 sports assez difficiles physiquement. Puis le motocross, j'ai fait ça depuis que je suis bien jeune. Puis j'ai Ouais. tout le temps bien performé. Puis j'ai eu un beau bagage en motocross, point de vue course, testing, comment setuper la machine. Puis ce bagage-là, je l'ai apporté en snowcross. Ça m'a vraiment aidé. Puis la même affaire en motocross. T'sais, après la séance snowcross, quand même en forme, puis les deux, je pense, apportent le meilleur des deux mondes dans le fond, puis ça reste que je reste en shape à l'année longue aussi, là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben Tim, on va essayer de te suivre plus cette année. Je me confesse, je t'ai délaissé un peu, mais cette année, on va essayer de faire au moins une couple d'entrevues ensemble pour parler de ta saison. Ah, parfait, merci, puis vous pouvez me suivre à tous les week-ends là, sur snowcross.com. Vous pouvez écouter les Ah, OK. courses live, puis directement sur Internet. Puis la fédule est sur snowcross.com. Donc, Ah, OK. vous pouvez me regarder gratuitement à tous les week-ends. Snowcross.com. Donc, évidemment, prochaine compétition, je pense que c'est le 16 décembre, si je m'en bats, c'est ça? Ouais, c'est 16-17, je pense, vendredi, samedi, pas en fin de semaine, mais l'autre, au OK. Colorado. Au Colorado. Ben, Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc, un gros merci, pour on s'en reparle durant l'hiver. Bon, merci beaucoup. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc.